Voici votre bulletin régional. Le 25 novembre, dès 8h30, déjeuner brunch des fêtes de l'Entourlaine à la salle des chevaliers de Colomb Distingus. Le prochain atelier de cuisine sera réservé à la fabrication de l'acier Sainte-Catherine le mardi 25 novembre à 13h au sous-sol de l'hôtel de ville de Newport. Pour tous les détails, facebook.com/loisirs4horizons. Le souper de Noël des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis 662 de Distingus, se tiendra au sous-sol de l'église Saint-Louis de France le 1er décembre à 18h. Ça s'adresse aux membres et l'on doit réserver avant le 25 novembre. Un souper spaghetti bénéfice de Moisson au Saint-François aura lieu le 26 novembre à 18h à la polyvalente Louis-Saint-Laurent et Distingus. Coût 22$. On doit réserver au 819-943-2781. Personnalisez vos cartes de Noël est le thème d'un atelier amusant qui se déroulera à la salle de la place Oakland de Saint-Isidore de Clifton le 26 novembre de 13 à 15h30. Tout le matériel sera fourni. Le coût est de 5$ par personne. Inscription à la bibliothèque de Saint-Isidore. En collaboration avec le Centre de services éducatifs populaires, un atelier sur la fraude sera offert aux femmes du Haut-Saint-François le 26 novembre dès 13h30 à Courchire. Inscription ou information à la passerelle.